Je me souviens de la plage, mais le temps a passé. Chaque raie de gravier m'a forgé, m'a glacé. Maintenant je vise plus haut, vers l'ancide brûlant. Un cow-boy dans rust, prêt à défier le temps. Les tours s'élèvent, métal contre ciel. Un désert d'acier où l'avenir chancelle. Je ramasse mes balles, je prie pas pour demain. Un cow-boy de fer, ça tire sans les mains. Les scientifiques gardent le site comme des chiens. Mais ma botte résonne, je passe par leur chemin. Chaque tir réplique comme un vieux duel. Far West ou Rust, les balles sont fidèles. Lancet en flamme, cowboy never dies. Rust forge mon âme sous ses bloody skies. From ashes to steel, I call my way. Riders kill right, they all obey. J'entends l'hélico gronder dans le ciel rouillé. Ses roquettes pleuvent, mais je vais le faucher. Comme un Mustang sauvage, cours droit au feu. Un cowboy des ténèbres, plus fort, plus vieux. Recharge ton AK, vise droit la verrière. Son élite cède, je vois le feu dans l'air. Deux voix rugissent comme le vent de la plaine. Et Lancet tremble sous la poudre et la haine. Ses coffres blindés prend-les sans remords. Chaque porte qui cède, c'est lui qui s'endort. Les murs résonnent, nos tirs croisés. Rust ou Far West, la loi s'est brisée. Lancet en flamme. Cowboy never dies. Rust forge mon âme sous ses bloody skies. From ashes to steel, I carve my way. Riders kill right, they all obey. J'vois leur coffre ouvert, butin étalé. Chaque arme volée chante ma vérité. Un cowboy moderne dans un monde ferraille. J'grave ma légende à coups de mitraille. Les flammes s'élèvent, mes bottes marquent le sol. La plage aux roquettes, j'ai suivi mon rôle. Russe m'a forgé, mais j'fais plier ses lois. Un cowboy immortel qui chez moi. Lancet en flamme, cowboy never dies. Rust forge mon âme sous ses bloody skies. From ashes to steel, I carve my way. Riders kill right, they all obey. Dans Lancet détruit, je laisse mon empreinte. La poussière au serveur, ma route s'est peinte. Un cowboy de l'ombre qui règne au-delà. Riders kill s'impose et personne s'en va.